bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et oui, vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique, le magazine culturel qui passe du coq à l'âne en direct sur le 94 FM à Toulouse, ou en streaming, où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Nous sommes jeudi 30 janvier 2019, le dernier jour de janvier, il est 18h. Derrière la vitre, François est à la réalisation technique de l'émission. Merci François. On est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique. La semaine dernière, Nina, en troisième au collège La Prairie à Toulouse, était en stage avec nous dans les studios de Campus FM. Résultat, un reportage autour du cirque moderne et en particulier au Lido, le centre des arts du cirque de Toulouse dans le quartier des Argoulets. Bonsoir Nina. Bonsoir. Merci d'être revenue ce soir dans Rien à voir quoique pour présenter ton reportage. Tu es accompagnée avec Daphné. Bonsoir oui. Daphné. Bonsoir. Alors Nina, pourquoi le choix de faire ton stage dans une radio et en particulier une radio associative? La radio ça m'intéresse beaucoup et j'adore le journalisme, donc je voulais un peu explorer la radio, comment ça se passait. Est-ce que t'écoutes la radio? Oui, j'écoute la radio. Quel genre de radio t'écoutes? J'écoute Radio Campus. C'est bon. Et du coup, je me suis dit, mais Radio Campus, c'est trop bien. Enfin, ça a l'air hyper libre comme radio. Et je me suis dit, mais on teste. Et voilà. Et pourquoi le choix d'un reportage sur le cirque moderne? Parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Parce que je fais du cirque donc au Lido. Et donc ça fait... Tu fais quoi? Bah, je suis un peu de tout, vraiment c'est hyper libre et c'est ça qui est génial. Et du coup ça fait depuis mes 8 ans je crois que je fais du cirque et du coup je voulais un peu le partager. Et on va écouter tout de suite ton reportage. Moi j'ai que des mauvaises notes en ce moment. Hein. Là, c'est 14, c'est 12. Le cirque, qu'est-ce que c'est? Et non, je ne vais pas vous parler du cirque traditionnel. Le domptage de lion et les clowns au nez rouge ne sont pas dans notre programme, car je vais vous parler du cirque actuel. Mais c'est quoi le cirque actuel? C'est un cirque qui a intégré la danse et le théâtre pour créer une nouvelle forme d'art de la scène. Pour mieux comprendre tout ce cirque, parlons du Lido de Toulouse, où le cirque actuel est au rendez-vous. Ce centre des arts du cirque a été créé en 1988, où à l'époque, il était situé dans un ancien cinéma racheté par la mairie de Toulouse. Il a donc 31 ans, un vrai temple du cirque. Depuis 2008, il est sous forme d'un grand et beau chapiteau blanc dans la zone verte des Argoulets à Toulouse. C'est une école d'amateurs et de professionnels pour petits et grands. Écoutons le point de vue de Florent Bergal, artiste, metteur en scène, ancien élève et professeur du Lido. C'est vrai que le cirque, moi j'ai commencé à faire à Paris un peu des fois des spectacles un peu dans la rue, mais comme ça j'étais adolescent. Et après j'ai fait une école de cirque parce que ça existait, ça commençait à exister des écoles de cirque, où on pouvait accueillir des gens qui n'étaient pas des enfants de famille de cirque. Donc du coup on pouvait faire ça et j'ai fait du coup le cirque au Lido l'école fin des années 90. Et de là ça menait sur plein de choses. Je suis allé dans la danse à Bruxelles, après j'ai fait de la mise en scène très rapidement, j'ai toujours eu... des compagnies à moi aussi où je suis au plateau, mais je fais beaucoup de mise en scène maintenant. Et je travaille sur le rapprochement de la chorégraphie, du théâtre et du cirque. Pourquoi as-tu choisi d'évoluer dans le milieu du cirque? Au début, c'était pour un choix de vie, parce que je voulais pas forcément avoir une vie normale, de bureau, tu vois. Et c'était quelque chose de physique aussi. Moi, j'étais physique, j'aimais bien bouger. Et puis la concentration du cirque, tout. Puis le cirque, c'est un peu une école de vie aussi. Tu apprends plein de choses avec le cirque. Penses-tu que le cirque puisse-t-il changer la société? Il peut y participer au changement, mais il peut pas tout faire tout seul. Mais évidemment qu'il peut participer, parce que déjà quand tu vas faire des spectacles, mettons en extérieur ou dans des quartiers où les gens, peut-être ou même dans des endroits en milieu rural où ils n'ont pas forcément de théâtre et de culture, déjà de leur amener ça, c'est de leur amener de la pensée, de la réflexion, du bien-être aussi, parce que c'est des bonnes ambiances. Enfin voilà quoi. Donc forcément la culture elle est primordiale. Après, il n'y a pas que ça. Il y a culture, il y a écologie, il y a plein de choses. Mais le cirque fait partie de la culture, du coup, avec tout, tu peux changer. Même quand tu fais ta douche, tu peux changer le monde. Bah oui, si tu utilises moins l'eau, tu fais gaffe, tout ça, bah tu contribues à changer quelque chose. Donc avec tout dans la vie, tu peux changer. Après un entretien si intéressant avec Florent Bergal, regardons comment ça se passe chez les jeunes circassiens du Lido. Donc Mila, tu as 16 ans. Ça fait combien de temps que tu fais du cirque ? Ça fait 8 ans. Tu pourrais nous expliquer comment ça se passe au niveau des groupes de section amateur ? On s'amuse, on fait un spectacle sur 2 ans, on fait de la création ensemble, on fait des recherches, on teste qu'est-ce qu'on est capable de faire sur scène et au niveau technique, on monte un spectacle et on part en tournée. Y a-t-il différents groupes ? Oui, il y a différents groupes. Il y a des groupes création qui partent en tournée, des groupes qui font du cirque tous les mercredis après-midi. Si tu devrais rester dans le milieu du cirque, qu'aimerais-tu faire ? J'aimerais bien faire de la danse ou de l'acro ou mélanger tout ce que je peux d'artistique pour faire un gros mélange de tout ce que j'aime. Est-ce que tu penses que le cirque t'a aidé à développer ton esprit ? Je pense que ça a développé ma créativité, mon regard de public. C'est au tour de Robin Socazo, acrobate, ancien élève du Lido et professeur du groupe des Simili Circus, de répondre à quelques questions. Comment se déroule une année de cirque au Lido ? Quelles sont les étapes importantes ? En animation, les trucs importants, effectivement, c'est les stages, les week-ends. C'est des étapes forcément importantes parce qu'on a juste beaucoup plus de temps pour travailler. Donc ça progresse beaucoup plus vite à ces moments-là, surtout pour le spectacle par exemple, pour le spectacle de fin d'année, un truc comme ça. Avec les EP, c'est un peu tout le temps pareil. En milieu d'année, au bout d'un moment, je fais travailler plus plein d'enchaînements au niveau acrobatique, alors qu'au début, en début d'année, on apprend plein de techniques d'acrobatie séparées, et ensuite on essaye de les mettre un peu tout ensemble. C'est plutôt vers janvier, c'est un peu ce que je fais en ce moment en fait. Et pourquoi tu as décidé d'enseigner ? J'ai pas vraiment décidé, j'ai décidé d'arrêter le spectacle, la scène, et de suite on m'a proposé de venir travailler au Lido. Ça fait 3 ans et je suis content d'être là, donc ça me plaît. Et du côté de la scène, comment ça se passe ? Antoine Gibault, ancien élève du Lido, va nous éclairer sur ce sujet en nous faisant part de ses pensées. La première fois que je suis allé sur scène, j'avais 11 ans ou 12 ans, je pense, et c'était un tout petit spectacle que j'allais faire pour la première fois dans un gymnase près de chez moi à Grenoble. Et ma mère m'avait amené et j'étais ultra stressé. Je me souviens que c'était vraiment très terrifiant pour moi, mais dès que je suis arrivé sur scène... je sais pas, tout s'est bien passé plus ou moins, même si j'ai flippé, mais j'ai envie de dire que après, ça c'était la première fois, on va dire, de ma vie, mais la première fois où je me suis senti vraiment sur scène, je pense que c'est quand j'ai commencé à faire des spectacles qui me plaisaient plus, quoi, et que quand j'ai commencé à devenir un peu professionnel, voilà. Là, j'ai vraiment senti que j'étais sur scène parce que je racontais des choses aux gens, voilà. Et qu'aimerais-tu dire au public ? En fait, je pense que le public, il écoute, mais il est aussi là pour donner. Donc moi, j'ai aussi envie de recevoir des choses de lui, mais c'est un échange. Après, bon, je vais pas tomber dans le blabla, mais moi, ce que j'ai envie de dire au public, c'est que tout est possible. Il faut rêver, il faut développer l'imagination au maximum, et il faut se laisser aller, et il faut que la scène, elle serve à ça. Donc la scène, c'est quoi pour toi ? Ah, la grande question. Eh ben, pour moi, la scène, c'est sacré. J'ai envie de dire que c'est un endroit qui est hors du temps, qui est hors de la réalité, même si on est parfaitement et profondément dans tous les endroits du monde en même temps. Mais la scène, c'est une espèce de vaisseau spatial, c'est une espèce de navire, c'est une espèce de moment d'intimité, de bulle qu'on se crée les uns avec les autres, entre les spectateurs et les artistes. Et c'est surtout un espace d'expression et de liberté profonde et qui est vraiment important, je pense, à défendre. Dans la société et le monde qui nous entoure, c'est bien, voilà, d'avoir un endroit comme la scène dans lequel on peut encore être libre, voilà, être soi-même et être avec les autres. Je vous invite donc sur le site circolido.com pour contribuer au futur du cirque. Un reportage de Nina Bergal pour Radio Campus. Merci Nina pour ce reportage. Comment t'as travaillé en amont, puisque t'avais déjà l'idée ? En fait, au début, je savais pas trop comment écrire, comment faire le montage. Donc, Thomas, mon tuteur, il m'a fait écouter plusieurs reportages d'autres stagiaires. Donc, avec ça, je me suis inspirée. J'ai trouvé quelques petites choses à faire. Et donc, en premier, j'ai réalisé un plan où j'ai écrit mon texte, j'ai écrit les interviews avec les questions, j'ai placé les bruitages, les chansons, et après j'ai enregistré, j'ai fait le montage. Donc tu vas vite, donc après t'es partie sur place, donc au Lido, les gens tu les connaissais puisque tu fais du cirque. Oui, je les connaissais. Est-ce que c'était plus facile ou... Oui, je pense que c'est facile, mais... Du fait de connaître les gens, je veux dire. Oui, c'était un peu mieux. Donc t'as suivi tes questions, l'enregistreur tu savais te servir? Ben, en fait, dans mon collège, il y avait déjà quelqu'un de la radio qui est venu, du coup, je savais déjà un peu faire toutes ces choses-là. Et par rapport au montage, donc tu l'as fait avec Thomas, j'imagine? Oui, un peu. T'avais beaucoup de sons par rapport... t'as enregistré beaucoup de sons, beaucoup de minutes? Oui, beaucoup. Tu te souviens combien? Parce que là, le reportage, il dure 7 minutes. Ben, de base, il faisait 10 minutes 10, quelque chose comme ça. Oh, ça va. Oui. C'est bizarre de s'écouter. Ouais, c'est bien. Ça va, c'est pas mal. Toi, Daphné, t'étais pas en stage à la radio. Vous êtes dans le même collège. Oui. Pas dans la même classe. T'étais en stage. J'étais en stage dans l'entreprise Taiyanji. C'est une entreprise d'architecture. Et t'as fait quoi? Bah, je suis allée sur des chantiers. J'ai fait des maquettes, plein de choses comme ça. C'est un métier qui te titille pour plus tard éventuellement? C'est ça, c'est un métier qui me plaît beaucoup parce que j'ai plein d'amis qui y sont et enfin, ça me plaît vachement. Qu'est-ce que vous pensez du stage en troisième qui a combien d'années? À mon époque, il n'y en avait pas, Vincent? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps? Ok. Nina? Ben, moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que du coup, vu que tu es en troisième, tu arrives à... Tu peux découvrir un peu pendant une semaine le vrai travail, enfin un peu, t'as une semaine où t'es un peu professionnel et je trouve ça hyper bien de découvrir un peu tout ce monde. Ça t'a donné encore plus envie de faire des études de journaliste? Ben en fait j'adore le journalisme mais je me vois plus tard travailler dans le cirque. Et toi Daphné? Moi je trouve ça un bon moyen pour se projeter dans le futur et de voir comment ça se passe. Et une semaine, j'ai trouvé ça un peu court. C'est court, ouais. Vous avez un rapport de stage à faire après? Est-ce que c'est noté? Oui, on l'a déjà fait, d'ailleurs. Ouais. Ok. Mm-hmm. Bah, je vous remercie beaucoup, merci. Nina et Daphné, d'être venues ce soir dans nos studios. On va écouter un morceau de Chassol, remixé par Yuxek. Le morceau s'appelle Odyssey Part 2. sur Campus FM, on écoutait un morceau de Chassol, Odyssey Part 2. Ici, il est remixé par Yuxek, extrait de son album India More, fruit de son périple musical en Inde, c'était en 2013. Tout cela pour vous glisser une soirée ce soir, la Bollywood Happy New Year. Ça se passe au Bruegel l'Ancien, 30 rue de la Chêne, dans le quartier Arnaud-Bernard à Toulouse. Avec un concert de Star, Slim et Rajad, suivi d'un set de DJ No Breakfast. C'est à partir de 19h, donc très bientôt, et c'est gratuit. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Rien c'est déjà beaucoup. Et ce soir à 18h17, dans Rien à voir quoique, c'est Vincent. Bonsoir Vincent. Bonsoir Anna. Notre spécialiste des questions de l'éducation, habituellement chroniqueur avec l'instant éducation, qui reçoit un invité. Vincent, je te laisse la parole. Et oui, ce soir je vais parler, nous allons parler, puisque nous avons un invité effectivement, reparler plutôt des stylos rouges, parce que j'en avais déjà un peu parlé il y a quelques semaines. Alors pour rappel, une petite synthèse, les stylos rouges c'est donc un mouvement citoyen qui est composé de membres de l'éducation nationale et qui, à l'instar des gilets jaunes, est né sur Facebook. Il a été créé à la mi-décembre à peu près, à l'initiative de quelques enseignants. Alors depuis, il y a un certain nombre de revendications propres au personnel de l'éducation nationale qui ont émergé, un manifeste a été publié, et puis surtout, le groupe Facebook a continué de croître, il compte aujourd'hui à peu près 66 000 membres pour le groupe national, et puis il y a un groupe local, un groupe Les Stylos Rouges Toulouse, qui compte aujourd'hui à peu près 800 membres, et nous avons le plaisir donc ce soir d'accueillir un membre de ce groupe, Sébastien Monnier. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors Sébastien, si j'ai bien compris, les stylos rouges, donc c'est pas seulement un collectif de professeurs, il comprend aussi, là je cite le site internet des stylos rouges, tous les oubliés du ministère, dit-il. Et d'ailleurs vous-même, vous n'êtes pas enseignant, vous êtes AESH. Alors peut-être que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qu'est un AESH et quel métier se cache derrière cet acronyme. Bien sûr. Mais là, alors peut-être que les gens connaissent le métier à travers son ancien nom d'AVS, d'auxiliaire de vie scolaire. En fait, depuis 2014, on a changé de titre, on a gagné une lettre. Le métier restait le même, mais avec la même précarité. En gros, donc, je suis accompagnant d'élèves en situation de handicap et mon métier, ça correspond au quotidien, pendant le temps scolaire, d'accompagner un ou plusieurs élèves pour leur permettre de, en fait, béquiller leur handicap pour qu'ils puissent accéder aux apprentissages de manière classique. Et alors, vous accompagnez un seul élève ou plusieurs élèves et vous changez de classe? Alors, ça va être très variable. En fait, il y a plusieurs moyens d'accompagner. Normalement, on est censé accompagner un seul élève à l'instant T. Mais il peut y avoir que dans la classe, il va y avoir plusieurs élèves qui sont porteurs de handicap, qui vont avoir besoin d'un accompagnant et qui n'ont pas forcément besoin au même moment. Par exemple, prenons l'exemple classique qui marche bien sur le papier mais qui n'est pas vrai sur le terrain. Un élève qui aurait un besoin, par exemple, qui serait en fauteuil roulant, qui aurait besoin d'avoir une aide lors de son installation dans la classe, et un élève qui serait dyslexique, dysphasique, qui aurait besoin, à l'inverse, que pendant les prises de notes, quelqu'un prenne note à sa place. L'idée, ça serait, à travers ce qu'on appelle donc une mutualisation, de permettre d'accompagner ces deux élèves sur le même créneau horaire, mais à des moments différents. Ça marche très bien sur le papier, mais la réalité est tout autre, comme vous vous doutez. Ok, métier passionnant mais difficile. Et alors, en quelques mots, du coup, parmi les stylos rouges, il n'y a pas que des enseignants, il y a des AESH. Quelles autres professions sont représentées? Alors, il va y avoir au niveau des maternelles le personnel ATSEM, donc les personnes qui aident les enseignants en maternelle en faisant tout ce qui va être l'accompagnement aux toilettes, la gestion des ateliers peinture par exemple, et le nettoyage de la classe, même si c'est plus que juste un agent de surface. Donc ce personnel-là qui est un personnel territorial, qui n'est pas un personnel d'éducation nationale. Il va y avoir aussi les AED, donc les assistants d'éducation, avec l'acronyme, enfin avec le nom qu'ils n'aiment pas, mais que tout le monde connaît, des pions. Dans l'absolu, ce sont des pions, mais nous-mêmes, en tant qu'AESH, on est des pions aussi. On n'aime pas le titre, mais c'est comme ça qu'on est perçu en tant qu'oublié de l'éducation nationale. Il va y avoir aussi les CPE, le personnel d'orientation, les infirmières scolaires, le personnel de direction, les secrétaires, tout l'ensemble justement de ce personnel qui fait que l'école, les collèges et les lycées peuvent tourner, mais qu'on oublie souvent. et qui sont très souvent silencieux. Alors justement, assistant d'éducation, comment c'est les pions, assistant ? Alors c'est c'est AED, assistant d'éducation. Assistant d'éducation, qui est, c'est vrai, un terme un peu plus valorisant que pion. Et alors justement, quand on regarde le manifeste des stylos rouges, qui synthétise donc les revendications, la première famille de revendications, c'est la revalorisation du métier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que votre travail n'est pas estimé à sa juste valeur ? Alors, il y a de ça. Alors là, je vais parler vraiment plus pour le côté prof, mais c'est au final, c'est un ensemble. C'est toute la fonction publique, finalement, même hospitalière et territoriale. En fait, on est calculé le salaire sur ce qu'on appelle le point d'indice. Donc ça, c'est peut-être un petit peu abscon pour beaucoup de monde. Pour faire simple, notre brut est calculé à partir d'un indice et d'une valeur de point d'indice qui, lui, ne bouge plus depuis une dizaine d'années. Donc, il est censé suivre l'inflation pour réajuster le... En théorie, c'est ce qu'il aurait dû faire depuis très longtemps. Donc, il est vraiment gelé depuis 10 ans, mais c'est depuis, si je dis pas de bêtises, 24-25 ans qu'il est en retard sur l'inflation. Pour faire simple, justement, que ce soit les AED ou nous, les AESH, nous sommes actuellement, en janvier, on est passé sous le SMIC. Enfin, le SMIC nous est passé au-dessus. À cause justement de ce gel du point d'indice. Donc le problème qu'il y a, c'est que il y a 20-30 ans, un professeur qui allait débuter, commencer avec donc en général un bac plus 4, bac plus 5 pour enseigner avec donc une formation qualifiée. À l'époque, il devait toucher, si je dis pas de bêtises, entre 1,8 et 2 fois le SMIC de l'époque. Actuellement, un professeur commence à bac plus 5 avec 1,2 fois le SMIC, ce qui est clairement problématique, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance du métier d'enseignant, mais au-delà du métier d'enseignant, c'est tous les métiers de l'éducation qui souffrent aussi du coup de cette non-valorisation, plus qu'une dévalorisation, le fait que la valorisation n'a pas continué comme elle aurait dû suivre l'inflation. Petit à petit, il y a un tassement vers le bas, vers le SMIC, qui se fait, et qui fait que il y a cette colère sourde qui anime énormément de personnel d'éducation nationale. Est-ce que le personnel français est moins bien payé que dans les autres pays d'Europe, par exemple ? Alors, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Il me semble, pour les lectures que j'en ai faites, que c'est le cas. Le personnel éducatif français est très en dessous des collègues qui vont être en Allemagne, en Suède, en Angleterre. Je laisse le soin aux auditeurs d'aller vérifier par eux-mêmes et de faire leur propre fact-checking. D'accord, oui. Alors j'ai cru comprendre aussi que donc il y a un besoin d'une revalorisation matérielle, économique, mais aussi une revalorisation un peu symbolique, le besoin d'une meilleure reconnaissance qui s'exprime un peu dans les discours des stylos rouges qu'on a pu entendre dans la presse, d'une meilleure considération, d'une image un peu plus positive. Alors je ne sais pas selon vous qui êtes au contact de différents acteurs de l'éducation nationale. Quelle est l'image qu'a le grand public de vos métiers ? Et puis si elle est négative, comment on fait concrètement pour la changer ? Mais ça, c'est un reproche qu'on pourrait faire un petit peu à certains grands médias, grand public, qui depuis très longtemps cassent un petit peu du sucre sur ces fonctionnaires feignants qui ne bossent que 15 et 18 heures par semaine. Parce qu'il y a vraiment une sorte de, je vais pas dire de jalousie, mais de volonté de casser cette image positive de l'enseignant, et au-delà de l'enseignant, du coup, de nous-mêmes aussi. Le problème qu'il y a, c'est que les gens ont oublié que s'occuper d'une classe, s'occuper de nombreux élèves, ça se fait pas comme ça. Il faut l'apprendre déjà, il faut savoir le faire. Tout le monde peut pas le faire. Mais surtout, ça ne commence pas à la sonnerie et ça ne termine pas à la sonnerie. Les cours, ça se prépare. Alors, on a toujours l'image des gens qui râlent, qui disent « oui, mais les cours, c'est les mêmes chaque année ». Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai du tout. Chaque année, les programmes changent. Je connais effectivement quelques enseignants, on va pas se mentir, il y en existe qui trichent un petit peu, qui ressortent les vieux cours, qui ressortent les contrôles des années précédentes en les modifiant à peine un petit peu, mais l'immense majorité écrasante et silencieuse des professeurs travaille en permanence pour refaire des cours de qualité aux élèves qui soient en rapport avec des besoins d'actualité aussi, au-delà de juste des changements de programme. Donc c'est un boulot énorme qui est fait en amont, c'est un boulot énorme de correction qui est fait après pour pouvoir permettre aux élèves justement de continuer à grandir dans leur apprentissage, et c'est quelque chose qui n'est pas vu, c'est un travail invisible. C'est le cas également pour moi, donc l'immense majorité des collègues AESH, on est considéré que nous ne travaillons que 24 heures, donc puisque nous accompagnons les élèves dès leur rentrée en classe le lundi matin jusqu'au vendredi soir quand ils sortent. En maternelle et primaire, on considère qu'il n'y a que 24 heures de cours. Alors, c'est vrai qu'on est en présentiel 24 heures avec les élèves, mais on a aussi des heures de concertation avant, on a des heures de débriefing, on a des équipes éducatives pour justement travailler avec les parents, les milieux médicaux pour essayer de construire quelque chose. Nous avons aussi beaucoup d'heures invisibles qui sont autour de ça. Et là, du coup, j'ai parlé pour moi, pour l'immense majorité des AESH, donc pour un contrat de 24 heures par semaine, on est payé 723 €. Pour quelque chose qui, en réel, représente réellement, peut-être pas un temps plein, je le concède, mais pas loin de une trentaine d'heures réelles de travail par semaine pour 720 €. Est-ce que parmi les premières réflexions là des stylos rouges, des différents collectifs, il y a des idées pour justement donner à connaître ce travail invisible qui est parfois inconnu? Les gens s'imaginent que ça se réduit au face-à-face pédagogique, comme vous disiez. Comment on peut faire pour donner un peu plus à connaître ce travail caché? Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un petit peu la tambouille à l'intérieur des murs, hein, entre guillemets. Je vois mal des parents ou le grand public venir à la maison voir quand je fais mes mails pour justement travailler avec les collègues enseignants sur l'élève. Mais c'est, je pense, à travers ma présence aujourd'hui à ce micro, la façon justement d'apporter, justement de montrer la réalité, c'est pas celle que tout le monde croit. Donc, merci pour le coup, pour le micro tendu, parce que ça me permet, moi, AESH, de parler de mon métier, des stylos rouges, et peut-être, justement, que vos auditeurs changeront peut-être leur opinion sur ce qu'est le professorat et les collègues AESH, AED, tout ça. C'est pas une image qui a du tout changé depuis, je sais pas. Il y a toujours cette image-là, vraiment. Quand on regarde les réponses qui sont faites, justement, puisque c'est un groupe qui s'est monté sur Facebook et les réseaux sociaux de manière générale, les personnes qui répondent, après on sait très bien que sur Internet il y a beaucoup de trolls et de gens méchants. Mais qui sont ces gens qui répondent, justement? Il y a de tout. Il y a de tout, vraiment. Il y a des anti, il y a des trolls bêtes et méchants qui sont juste là pour venir critiquer parce qu'ils savent très bien, c'est la faune d'Internet qu'on connaît bien quand on est de cette génération. Mais globalement, il y a aussi quand même pas mal de personnes grand public qui viennent avec des a priori, des stéréotypes qui sont conservés. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont plus ces stéréotypes, mais comme ils sont quand même conservés par beaucoup de grands médias, et c'est quelque chose qui, le repas de famille le dimanche, un tonton raciste qui dit « Ah, c'est fonctionnaire voilà. !» Et ça fait partie d'un un petit peu du background français d'avoir cette façon de râler sur ces fonctionnaires qui volent le travail sans rien faire. Merci Sébastien. Merci Sébastien, merci Vincent. On va faire une courte pause musicale avec le groupe Inuit. Le morceau s'appelle Anne. Again. On écoutait Anne par le groupe Nantais Inuit en concert au Métronome, c'est samedi 2 février à partir de 19h, pour fêter les 5 ans de la salle de Métronome, scène des musiques actuelles. C'est à deux pas de la station de métro Bordes-Rouges. Toutes les infos sont sur metronome.toulouse.fr. On parle de toutes les cultures, de rien à voir quoique. Et nous sommes toujours en compagnie de... Je me coupe la parole, carrément. On est toujours en compagnie de Sébastien Monnier, l'invité de Vincent, de rien à voir quoique. Sébastien Monnier, donc, qui fait partie des Stylos Rouges Toulouse. On a parlé des premières revendications des Stylos Rouges. Alors, il y en a une qui attire rapidement l'attention, Sébastien. C'est la question des taux d'encadrement dans le manifeste des Stylos Rouges. Il propose de limiter le nombre d'élèves par classe. Alors, précisément à 20 élèves par classe au premier degré, au primaire, 24 au collège et en seconde, 30 en première et en terminale, et 24 dans les voies professionnelles. Alors vous qui travaillez justement au collège, quelle est la réalité? Est-ce que c'est si fréquent que ça d'avoir plus de 24 élèves par classe au collège? Et qu'est-ce qu'on aurait à gagner à réduire ce taux d'encadrement? Alors je ne peux pas parler pour les autres collèges et je vais vraiment donner justement mon ressenti, mon expérience. Il se trouve que sur le collège où je suis à Hauterive, oui, les 24 élèves, on les a largement dépassés. On avait même en début d'année un mouvement de grève sur notre collège, puisqu'on avait sur les niveaux 5e des classes où on dépassait les 30. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que au-delà du fait qu'au bout d'un moment, les murs de la classe, on peut pas les pousser et on va commencer à manquer de chaises, un élève vient en plus, alors je ne saurais pas dire exactement quelle est ça a été calculé, je crois que c'est 1h30 de travail en plus par semaine pour l'enseignant. D'accord. C'est pas, plus il y a d'élèves, plus il y a de travail, puisque l'objectif, c'est pas juste balancer en plénière des cours, c'est vraiment faire du personnel à chaque élève. C'est pas juste une copie en plus à corriger, il y a vraiment un élève avec son individualité à prendre en compte. Donc plus ils sont présents dans la classe, plus l'enseignant va avoir du mal du coup à assurer cette qualité de travail, d'accompagnement pour chaque élève. Donc trop d'élèves dans une classe, c'est aussi une mauvaise qualité pour l'ensemble des élèves. De mon point de vue, strictement pour ma part, au niveau du handicap, clairement, ça a été prouvé maintes et maintes fois, le fait d'apporter un élève en situation de handicap dans la classe, ça devient une richesse réellement pour la classe, pour les autres élèves, puisque ça vient travailler leur tolérance, leur autonomie. Mais à l'inverse, si on apporte une personne en situation de handicap, même accompagnée dans une classe déjà surchargée, ça vient plutôt, au lieu d'être une richesse, ça devient malgré lui un boulet pour la classe qui vient perturber énormément. Moi-même, c'est une de mes propres revendications aussi en tant qu'AESH, il faut qu'il y ait des taux d'encadrement plus bas, plus faibles. Il faut plus de postes de professeurs pour que mathématiquement il y ait moins d'élèves devant les professeurs, parce que sinon on ne peut pas travailler efficacement. Il y a des classes où on se retrouve à 2-3 AESH, des classes qui sont déjà à 29-30. On est certains collègues à ne pas avoir de chaises, tout bêtement. Carrément. C'est le cas, parce que de toute façon chaque salle aussi sont faites pour un certain nombre de personnes dans la salle, donc dès qu'on rajoute le professeur, les accompagnants et les élèves, ben on dépasse le taux d'encadrement prévu par l'architecte de la classe elle-même. Donc au-delà de la qualité même de cours qu'on peut apporter aux élèves, c'est des conditions de sécurité toutes bêtes qui viennent juste logistiquement, on n'est pas censé être aussi nombreux dans une classe. Alors au sujet des taux d'encadrement, là il y a quelques jours, il y a une actualité, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé les quelques premiers résultats du dispositif, de l'évaluation du dispositif CP dédoublé. Vous savez, c'est ce dispositif qui consiste à réduire les classes de CP à 12 élèves maximum dans les zones prioritaires, qui a été mis en place l'an dernier. Les résultats semblent assez positifs, même si on attend toujours le détail de l'étude scientifique. Dans tous les cas, finalement, est-ce que ça serait pas ça la solution, des classes à 12 élèves? Est-ce qu'il faudrait pas, dans vos revendications, mettre la barre encore plus haut? Alors la problématique, c'est qu'il faut aussi avoir des revendications qui sont crédibles. Dans l'absolu, avoir des classes à 12, ça pourrait effectivement être très bien, mais ça suppose de multiplier par 2 voire 3 le nombre de professeurs actuels. Et ça suppose aussi de multiplier par 2 ou par 3 le nombre d'établissements pour pouvoir accueillir ces élèves dans des conditions correctes. Le problème qu'il y a clairement avec ce dédoublement des classes de CP CEM, c'est que on a déshabillé Jacques pour habiller Paul, puisque pour pouvoir donner des professeurs à ces nouvelles demi-classes, finalement, on est allé les enlever sur des classes de CM2, voire même sur des postes de collège pour faire au niveau du budget. Donc, il y a énormément de fermetures de classes, ce qui fait que, effectivement, c'est peut-être positif d'avoir permis à certaines classes, et vraiment certaines classes, parce que c'est pas tous les CP, c'est dans des classes bien, des zones bien particulières. Oui. Pour pouvoir permettre ça, on a forcé un petit peu au chausse-pied d'autres classes ailleurs, qui du coup, c'est facile de montrer quelque chose de positif si on cache sous le tapis les autres problèmes qu'on a créés de par cette chose-là. Après, les chiffres, comme vous dites, il faudra atteindre les résultats scientifiques posés. Les chiffres, le gouvernement, il leur fait souvent dire un petit peu ce qu'ils veulent. Oui, on attend quelque chose d'un peu plus détaillé de la part du ministère, je suis d'accord avec vous. Alors, je prends un peu de recul par rapport à la classe. Ce mouvement, les stylos rouges, il a une particularité, à l'instar des gilets jaunes aussi, il est né spontanément sur Facebook. Il n'a pas été, comme habituellement, ni impulsé, ni organisé par les organisations syndicales, qui sont pourtant a priori les organisations intermédiaires qui permettent de faire le lien justement entre le personnel de l'éducation nationale et le ministère, le gouvernement. Alors, est-ce que c'est une force, une faiblesse du mouvement d'être un peu en parallèle, à côté? Aujourd'hui, qu'en disent les syndicats? Quelles sont vos relations avec eux? Alors, à titre strictement personnel, j'ai de très bonnes relations avec les syndicats, puisque je suis moi-même syndiqué. Le problème qu'il y a, en fait, c'est pour voir la genèse du mouvement, c'est depuis très longtemps, il y a aussi, de la même façon qu'il y a des stéréotypes sur les enseignants et sur les fonctionnaires de manière générale, il y a aussi, de la part du grand public et aussi, du coup, chez les enseignants, une sorte de réticence, de stéréotypes qui se sont montés contre les syndicats, avec un manque de confiance, des fois justifié par le fait que certains syndicats ont pu par le passé trahir la volonté de leur base. Il y a aussi, globalement, depuis un an et demi, depuis la venue d'Emmanuel Macron, une sorte de déni, de mépris justement des corps intermédiaires qui étaient les syndicats. Donc le fait justement de ne pas écouter que ce soit les maires ou les syndicats, ces corps intermédiaires, il a créé clairement les situations où les personnes, du coup, au lieu d'aller râler auprès de leurs représentants habituels, quand bien même ils étaient peu représentatifs ou qu'il y avait une méfiance, cette colère s'est cristallisée et chacun l'a pris à bras le corps. C'est le cas pour les Gilets jaunes, c'est le cas pour tous les grévistes qui se sont fait un petit peu sans syndicat, puisqu'il y a de nombreuses grèves un petit peu partout en France, que ce soit dans le milieu hospitalier, que ce soit dans même des secteurs privés, qui se font finalement sans syndicat. Alors les syndicats amènent justement leur... les préavis de grève pour encadrer les grévistes, mais globalement il y a une sorte de réticence à aller vers les syndicats, et ça c'est très dommageable, parce que justement les syndicats, beaucoup des revendications, c'est des revendications qu'ils portent eux-mêmes depuis de très nombreuses années. Comme ils le disent tous, nous syndicats, nous ne faisons rien seuls, ce sont nos syndiqués qui le font, donc c'est libre à chacun de porter aussi la chose. Pour justement ma part, donc moi ça fait 11 ans que je suis à ESH, ça fait 9 ans que je travaille sur des revendications par rapport à des collègues avec le syndicat, donc le SNUIPP, donc la FSU au niveau du primaire, mais je ne suis syndiqué moi-même que depuis 2 ans, donc moi-même qui suis quand même très partie prenante justement de ces combats-là, j'ai mis quasiment 6-7 ans à accepter de prendre ma carte vraiment au syndicat. Il y avait même de ma part, alors que je travaillais avec eux, une sorte de réticence à aller vers eux. Alors que depuis le début, clairement, ils me laissent faire, ils me donnent les moyens justement de combat, ils me permettent justement de défendre mon métier, de défendre des collègues qui sont vraiment dans la panade. Donc au final, je comprends la réticence que vont avoir certains stylos rouges, certains gilets jaunes, à ne pas aller vers les syndicats. Pour autant, je pense que c'est très dommageable, parce qu'au final, il y a une vraie convergence qu'il faut avoir, puisque c'est des personnes qui sont habituées à militer, qui ont aussi des moyens d'action, qui ont aussi des habitudes de fonctionner avec, justement, pour servir d'intermédiaire. Et je pense que clairement, il faut qu'il y ait une convergence entre syndiqués et non syndiqués pour construire ensemble, justement, ces revendications qui sont communes et qui vont vraiment aller dans le bon sens. Alors, justement, tant qu'on est dans les moyens d'action, là, ce qui marque aussi, c'est que jusque-là, depuis le début du mouvement Les Stylos Rouges, il n'y a pas eu d'appel à la grève, qui est pourtant un moyen d'action traditionnel dans l'éducation nationale. Et à côté de ça, on entend des bruits de couloir sur le blocage des copies, une grève du zèle qui consisterait à mettre 20 sur 20 à tout le monde. Est-ce que, Sébastien, vous avez un peu plus d'informations et est-ce que, concrètement, à Toulouse, il y a eu des décisions qui ont été prises quant aux moyens d'action locales? Alors, des décisions, non, pas encore, puisque c'est, comme c'est un mouvement qui est très novateur et nouveau, il est en train de créer aussi ses moyens de revendiquer. Par exemple, le coût des mettre des les 20 sur 20 sur toutes les copies, c'est une façon de faire péage gratuit à l'éducation nationale. Il y a des réflexions qui se font sur comment. Il y a les professeurs principaux en collège et lycée qui, dans certains établissements, ont décidé de démissionner en bloc, de dire, cette mission-là, je ne l'assume plus. Tant pis, c'est une perte de salaire puisque les professeurs principaux ont une petite prime justement pour assurer ces missions en plus. Une façon de faire pression au niveau de la hiérarchie. Il y en a qui ont déjà démissionné. Là. Oui, à ma connaissance. Ils ont démissionné de leur poste de professeur principal, c'est ça? C'est ça. Ils ont décidé de redonner à l'administration, de dire non, ce travail-là de professeur principal, je suis prof de cette classe, sans souci, mais le travail de professeur principal, je ne le fais plus, je ne l'assure plus. C'est une façon de faire grève aussi. Après, le pourquoi il n'y a pas d'appel à la grève, c'est parce qu'il y a aussi un ras-le-bol de la grève, puisqu'il y a vraiment cette impression que ça sert à rien. L'idée première de la grève, normalement, dans le milieu privé, c'est de bloquer le moyen de production, en étant soi-même, en tant qu'acteur, de ne plus être acteur justement de la production, et du coup, de taper au porte-monnaie son employeur, normalement, de l'empêcher de gagner de l'argent. Le problème, c'est que dans la fonction publique, quand on fait grève, en fait, on donne du pognon à notre employeur, puisque du coup, il va pas nous payer la journée où on a fait grève. Donc, quelque part, il y a une sorte l'impression que ce levier est inefficace et que c'est un sacrifice qui, parce qu'il faut quand même bien payer ses factures, tout ça. Faire une journée de grève, c'est pas tout le monde peut pas se le permettre, justement parce que quand bien même les enseignants font partie au niveau du salaire médian des Français. Ils sont largement au-dessus. Il n'en reste pas moins que faut payer un crédit, faut payer les factures, faut manger à la fin du mois. Et perdre une journée de salaire, quand bien même on a un bon salaire, c'est pas donné à tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc c'est la grève semblait être jusqu'à maintenant un moyen qui allait être inefficace, donc qui avait été écarté d'office. Pour autant, avec justement, et là je reboucle un petit peu avec l'actualité interprofessionnelle, intersyndicale des Gilets jaunes, comme il y a un appel à la grève qui se fait à partir de mardi prochain, le 5, il n'est pas improbable que de nombreux stylos rouges décident de participer à cette grève, et comme elle est censée être générale et reconductible, peut-être qu'elle viendra faire pression. Après, pour avoir discuté avec beaucoup de collègues enseignants, c'est un moyen qui risque de ne pas être suivi parce que, pour beaucoup, ils le pensent inefficace. Mais il est inefficace en tant qu'objet seul. Si tout le monde fait grève, si cette grève générale prend vraiment, il va s'en dire que les professeurs continueront à faire grève pour faire une pression plus globale. Alors, et pourtant, je vais mettre les pieds dans le plat, est-il nécessaire de faire grève? Je dis ça parce que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ne cesse de répéter depuis le début du mouvement, qu'il est à l'écoute, qu'il est très ouvert au dialogue, qu'il a, je le cite il y a quelques jours sur RTL, aucun problème avec la nature des revendications. Alors, dans ce contexte, quelle est l'étape suivante? Est-ce que c'est de faire grève? Est-ce qu'il est question de déposer un registre de propositions au ministère ou de demander une rencontre? Est-ce qu'il y a une discussion qui se profile à l'horizon? Et si oui, quelles en sont les modalités? Alors, par rapport au ministre, je vais faire une petite comparaison. Je pourrais vous dire que je suis picard ou québécois. Je pourrais le répéter des milliers de fois. Vous entendez bien à mon accent que c'est pas le cas. Donc, ce que dit Monsieur Blanquer dans tous les médias et ce qu'il fait et ce qu'il tend à montrer à d'autres lieux, on n'est pas dupe. On est loin d'être dupe. Les enseignants, c'est pas des gens qui ne savent pas réfléchir. On sait très bien entendre la vérité et les mensonges dans les discours d'un ministre. En l'occurrence, c'est bête à dire, mais ça se voit qu'il ment et qu'il se, pardonnez l'expression, fout de nous. On verra ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup Sébastien Monnier d'être venu avec plaisir témoigner et nous expliquer un peu ce mouvement des stylos rouges. Sébastien Monnier, pourquoi le rouge? Pourquoi les stylos rouges? Alors, je ne suis pas à l'origine de cela, mais c'est le côté symbole où il fallait, dans la logique justement des Gilets jaunes, un objet et un adjectif, une couleur. Donc le stylo rouge qui est quelque part le symbole justement que vont avoir les professeurs, même si de plus en plus ils ne l'utilisent plus parce que c'est considéré comme agressif pour les élèves, ça reste quand même voilà le totem un petit peu qui permet de corriger. L'idée c'était peut-être justement de venir corriger la copie de Monsieur Blanquer en disant non, ça c'est pas bon, on corrige. Après le côté aussi rouge de la colère pour dire voilà ça suffit, stop mépris, puisqu'il y a vraiment une volonté aussi depuis très longtemps de on l'a vu il y a pas si longtemps que ça avec le hashtag pas de vague sur les réseaux sociaux aussi, les professeurs d'une manière générale, syndiqués ou non syndiqués, en ont marre justement de ce mépris, de ce côté justement on met le couvercle par-dessus jusqu'à ce que ça explose. Là justement c'est en train d'exploser, ce côté rouge vient faire ça, on est là pour corriger la copie du ministre, dire non, tu repiques. Merci beaucoup Sébastien Monnier, merci Vincent pour cette interview. Voilà. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Il est temps à présent de se laisser bercer par les divagations de Lou. On écoute des états d'âme. Mes rêves me font la peau. De l'autre côté de la grande vie, du luxe et du sucré salé, pour faire comme si on vivait normalement. C'est drôle, dans mes rêves, le plus dur, c'est pas l'impuissance du geste, la retenue de l'impulsion, c'est de devoir arrêter de chuter. Je me suis réveillée avec l'étrange sensation d'avoir disparu. C'est pas comme si j'avais souvent été là. Ça vous est déjà arrivé à vous de croiser l'impuissance du langage, du geste bien fait, de la particule bien autonome? J'ai plus de café, plus de vaisselle, plus de corps, plus de forme, de fond ou de couleur, mais toi... Une matinée, un soir d'été, chaleureux et léger. Tu pourrais être calme, limpide et fluide. Tu pourrais croire que rien ne s'arrête jamais. Tu pourrais être en suspension dans l'univers, puisque rien ne retombe jamais. Quand le jour me surprend, je le laisse choisir l'ambiance de la journée. Je me suis levée du pied mauve, le pas léger, le pas de chat. Rien à voir, quoique. Merci Lou pour ces nouveaux états d'âme sonores au pas léger, au pas de chat. On peut te retrouver demain matin, comme presque tous les matins, aux côtés de Thaïs, dans Milkshake et Déconfiture, la matinale de réconfort, de culture et de dérision responsable sur Campus FM. C'est de 8h à 9h tous les jours, sauf le mercredi. We'll be right back. c'est l'heure de se quitter. Encore merci. Merci beaucoup à notre invité Sébastien Monnier qui représentait ce soir le mouvement des stylos rouges. Une précision, je ne représentais pas. Je suis un des stylos rouges. Il n'y a pas de représentant. Vous faites bien de préciser. Pardon, je remercie toute l'équipe de ce soir, Nina, Lou et Vincent, pour ta première interview dans l'émission et dans la vie d'ailleurs. De la vie. Et un grand merci François à la réalisation technique de l'émission et à la post-production. Comme toujours, chers auditeurs, vous pouvez retrouver cette émission sur la plateforme de partage et d'écoute Mixcloud. Pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Malcolm Haidt, qui n'est pas arrivé. J'aurais bien aimé lui faire un petit coucou pour une nouvelle émission gourmande New Soul Food. C'est du new, c'est de la soul, c'est de la food. Très belle soirée sur les ondes de Campus FM.